Bonjour amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux. Alors voilà votre tirage du mois d'août. On est le 5 août aujourd'hui. Vacances oblige, je n'ai pas pu vous l'effectuer avant. Alors on va regarder ce qui se passe entre le 5 et la fin août. Pour vous, voilà ce que j'ai tiré. Eh bien, au départ, vous voyez, vous êtes vraiment confiant. Ces deux cartes-là indiquent que c'est une période en août. Vous allez certainement vous régénérer ou vous avez été déjà en vacances, peut-être en juillet. En tout cas, vous êtes solide sur vos jambes. Vous vous sentez assez bien dans votre peau. Vous sentez dynamique. Vous avez envie d'agir de manière générale, bien sûr. Et par contre, en ce qui concerne plus particulièrement votre vie personnelle, amoureuse en tout cas, il y a du retard. Il y a du retard parce que vous avez quoi? Beaucoup de choses à régler. Vous voyez, j'ai des cartes plutôt de gestion, de responsabilité. Vous allez devoir vous adapter à peut-être au travail, peut-être à des obligations, beaucoup d'obligations que vous avez et que vous voulez absolument remplir. Très très bien, vous avez le sens du détail, vous avez envie d'aller au bout, au fond des choses, de votre travail, de vos démarches, de vos activités en général. Eh bien tout cela, ça ne laisse pas beaucoup de place à l'amour. Voilà un petit peu la couleur de votre mois d'août. Donc rien de grave, rien d'ennuyeux vraiment, mais surtout vous êtes apparemment préoccupé, préoccupé par d'autres secteurs de votre vie. Et là aussi, ça se passe plutôt bien, mais vous êtes très très prise par rapport au temps et peut-être justement votre esprit n'est pas disponible et donc votre cœur non plus pour l'amour. Voilà un petit peu ce que vous dit votre tirage du mois. Bon, je ne retire pas hein, les cartes comme vous le voyez. Je vous le sers comme il est sorti, le tirage comme il est sorti. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août et alors allez de l'avant, avancez, puisqu'apparemment c'est votre mot d'ordre. À bientôt. Bonjour amis Cancer ou ascendant Cancer. Alors bienvenue dans votre tirage du mois d'août concernant vos amours. Donc on est déjà le 5 août, vacances oblige, je l'ai effectué un peu plus tard. Mais donc on va regarder ce qui se passe pour vous au niveau des amours entre le 5 et la fin août. Donc eh bien vous comme vous le voyez, eh bien le tirage est excellent. Je n'ai pas choisi les cartes, je vous le livre tel qu'il est sorti. Apparemment, donc si vous êtes en couple, vous avez pris un nouveau départ affectif dernièrement. Il est possible que certains d'entre vous se soient mariés ou certains d'entre vous vont fêter l'amour. Fonder une famille, enfin dans l'idée de fonder une famille ou de rapprocher, de recréer une famille, si c'est un second mariage, il y a la chance qui domine le jeu, l'épanouissement et en fin de compte l'union. Donc de toute façon, s'il y a mariage, vous avez compris, il est heureux, tout se passe bien. Si bon voilà, vous êtes marié depuis longtemps, eh bien de toute façon, ce mois d'août représente un renouveau affectif votre couple normalement est amené encore à se ressouder davantage. Voilà, vous resserrez les liens à la fois dans votre couple et dans votre famille, du coup. Et pour les célibataires, vous l'avez compris certainement, eh bien oui, ici, c'est vraiment un tirage de rencontre. Il y a une nouvelle rencontre. Alors, c'est une nouvelle personne, hein, c'est pas quelqu'un qui revient du passé, c'est une nouvelle tête, on va dire ça comme ça. Devant vous, eh bien, l'amour qui est là, cette personne vous propose un amour sincère. Et c'est une véritable chance à saisir pour vous. Et parce que cette personne, elle a bien envie de choses sérieuses, de famille, de foyer, de partage, d'un quotidien en tout cas avec vous. Il ne s'agit pas d'une aventure sans lendemain, loin de là. Et peut-être bien que cela donnera une union durable. Tout est possible avec un si beau tirage. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Profitez. Bonjour amis Lion ou ascendant Lion, et bien voilà votre tirage pour le mois d'août. Alors on est le 5 août déjà, vacances oblige, donc je viens de tirer ce petit oracle de Béline pour vous, pour un petit peu voir les couleurs de vos amours entre le 5 août et la fin du mois. Alors pour vous, comme vous le voyez, ce sont des bonnes cartes, mais elles ne sont pas tellement affectives, puisque ici, que vous soyez célibataire ou en couple, j'ai des cartes qui parlent davantage d'entreprise, puisque au départ, vous voyez, vous êtes pleine d'envie, de dynamisme pour travailler, pour démarcher, pour vos activités en général. Vous êtes vraiment dans une vie sociale très animée. Il y a des invitations, vous voyez du monde, c'est très sympathique. Il y a une chance à saisir, en tout cas, vous avez raison de foncer parce qu'il y a une chance à saisir qui est donc professionnelle avec les honneurs et la réussite. Donc il y a l'aboutissement d'un projet professionnel, peut-être trouver un travail, peut-être changer de travail si c'était votre envie. Il y a quelque chose, il y a un projet peut-être plus personnel, mais lié à vos activités qui aboutit et qui vous met vraiment dans une grande satisfaction. Mais vous l'avez compris, eh bien tout cela n'a rien d'affectif. Je ne choisis pas les cartes, elles sortent telles qu'elles sont. Donc pour les amours, eh bien on va attendre un petit peu ici. Voilà, concentrez-vous sur vos projets et votre boulot. En tout cas, je vous souhaite un très beau mois d'août. Bonjour amis vierges ou ascendant vierge, bienvenue dans votre tirage concernant le mois d'août 2024, concernant donc vos amours. Donc voilà, le tirage je le fais le 5 août, c'est un peu tard, mais on va dire que le mois commence à partir du 5 août et on va aller jusque fin août. Quel est le conseil, ou en tout cas plutôt la couleur de votre mois d'août pour vos amours? Que nous dit le Béline? Eh bien, ça nous parle ici d'un nouveau départ. Alors, si vous êtes en couple, peut-être que vous partez seulement en vacances, et en tout cas, ou alors, en tout cas, vous avez besoin d'un nouveau départ, de vous éloigner de quoi? De vos obligations quotidiennes, peut-être de trop de travaux, de trop de choses à faire, que vous travaillez ou non, il y a vraiment un besoin de vous libérer de responsabilités et de obligations un peu lourdes, un peu pesantes. Pourquoi faire? Eh bien, regardez, il y a l'amour, il y a la communication de l'esprit. Alors, j'en ai retiré une pour savoir. Il y a également la carte de la passion. Donc, on est vraiment dans une retrouvaille. Je veux dire, c'est comme si en couple, vous rallumiez la flamme entre vous. Alors, non qu'elle ait été éteinte, mais en tout cas, vos amours vont reprendre une dimension supplémentaire. Vous allez remettre l'amour en avant, votre couple en avant, l'autre, votre partenaire en avant, avec beaucoup d'échanges à la fois intellectuels, beaucoup de conversations. Vous allez être sur la même longueur d'onde, que ce soit au niveau de l'esprit et au niveau du corps également, puisque la carte de la passion est sortie, et tout cela, ça vous donne un renouveau, un nouveau départ qui était nécessaire. Alors là, c'est vraiment très positif. Si vous êtes célibataire, vous l'avez compris, il y a une très belle. Alors n'hésitez pas à partir encore, si vous refaites un week-end, si vous êtes déjà parti, ou partez en vacances si ce n'est pas fait. Vous n'êtes pas obligé d'aller bien loin. Il faut que vous changiez d'air par rapport à votre quotidien. Et regardez, l'amour vous attend avec une personne qui sera vraiment sur la même longueur d'onde que vous et avec qui vous pouvez connaître donc un nouveau départ amoureux. En tout cas, je vous le souhaite et je vous souhaite un beau mois d'août. Bonjour amis Balance ou ascendant Balance. Voilà le tirage que j'ai effectué pour vous pour ce mois d'août 2024 pour vos amours. Que dit le Béline? Donc, quelles sont les couleurs de vos amours au mois d'août? Alors, on est déjà le 5 août. Je vous dis tout, on est déjà le 5 août. Vacances oblige. Donc, j'effectue ce tirage aujourd'hui, mais donc, il sera effectif entre le 5 et la fin août. Alors, que se passe-t-il ici? Eh bien, on a pour vous, au niveau de vos amours, si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous étiez un peu à la recherche, à la découverte de ces derniers temps. Vous avez pu être un peu paumé, un peu perdu dans votre couple. Il pouvait y avoir beaucoup d'inconstance et du coup, vous avez cherché ces derniers temps à vous adapter. Alors, vous êtes très adaptable, c'est l'avantage avec vous, les balances, et vous avez fait beaucoup d'efforts d'adaptation ces derniers temps, de conciliation. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, alors ça va encore être un petit peu la même ambiance début août. Donc là, on est le 5, mais moi, je dirais, c'est encore jusqu'au 10 environ. Et puis ensuite, eh bien voilà, le bonheur. la nouveauté, la nativité et la grâce qui indique que vous allez vraiment à nouveau retrouver une magnifique plénitude, une paix, tout ce que vous aimez, la quiétude et l'épanouissement en même temps dans votre couple avec l'union des âmes. Donc bravo, profitez-en. Si jamais vous êtes célibataire, eh bien vous l'avez compris, vous étiez peut-être à la recherche d'une rencontre. Amicale ou amoureuse, mais là on est dans un tirage amour et il y a du retard, donc ne comptez pas trop sur la première quinzaine d'août, mais ensuite il y a une possible rencontre amoureuse avec quelqu'un qui va vraiment vous marquer, puisqu'ici il s'agit quand même d'une âme à retrouver, une âme qui est assez. Alors on va pas avoir des âmes jumelles partout, mais en tout cas il y aura une reconnaissance de la personne au niveau de l'âme. Donc c'est comme si vous allez peut-être avoir l'impression d'avoir toujours connu cette personne. Donc après, selon les croyances, chacun y voit ce qu'il veut. En tout cas, c'est positif. Et il y avait un dernier, une possibilité aussi, mais vous êtes nombreux, nombreuses les balances, mais en tout cas, ce tirage, il annonce aussi à certains balances, eh bien, la nativité. On est en attente, on voit peut-être des médecins et regardez, il y a du retard, on est en attente en tout cas sur l'enfant qui est à venir et qui arrive. Là, j'ai une âme qui incorpore un corps et donc j'ai la naissance, donc bien bravo, ben, certains d'entre vous vont accueillir un nourrisson. En tout cas, ça va très bien se passer, c'est un très bel événement qui s'annonce, je vous le souhaite. Peut-être que certains vont aussi apprendre du coup, eh bien, qu'ils vont peut-être bientôt devenir papa-maman. Donc certains vont apprendre que madame est enceinte. Si c'est le cas, réjouissez-vous. Il n'y a que des bonnes ondes autour de ce tirage. En tout cas, je vous souhaite un beau mois d'août. Bonjour Scorpion, ascendant Scorpion, bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2024 pour vos amours. On est le 5 août, donc à partir du 5 août jusqu'à fin août, quelle est la couleur de ce mois pour vous au point de vue affectif amoureux? Eh bien regardez, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir, le Béline vous annonce, une évolution nette d'une situation par rapport à un blocage. Peut-être que vous vous êtes disputé. C'est quelqu'un, peut-être que vous ou l'autre personne dans votre couple a fermé les portes, pas longtemps, hein. On n'est pas sur une rupture, on est plutôt sur une vexation. Il y a un blocage dans la relation, il y a un blocage dans la communication. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'on a quand même la pyramide à haute élévation au départ, il y a une évolution. Par rapport à ce blocage, je vous l'annonce, va sauter, puisque ce qui rayonne sur le jeu, c'est l'échange, l'épanouissement de votre vie privée avec des discussions qui apportent quoi? Des pourparlers, là pour le coup, c'est bien des pourparlers qui apportent la grâce, donc l'apaisement. Et j'en ai retiré une pour être sûre. Et qu'est-ce que l'on a? Eh bien, la paix. Donc, c'est vraiment un tirage typique de réconciliation, de rapprochement dans votre couple. Moi, j'ai l'impression que le mois d'août va vous détendre va vous permettre d'avoir des discussions, des échanges constructifs et de vous réconcilier ou de vous rapprocher, quelle que soit la situation. Maintenant, si vous êtes célibataire, eh bien, il y a une évolution par rapport peut-être à une personne. Alors moi, je me demande si c'est pas une personne que vous essayez d'approcher, qui ne veut pas de vous forcément, ou alors c'est vous-même qui n'osez pas vous rapprocher de cette personne. Il y a quelqu'un que vous connaissez, vers qui vous n'osez pas aller, vous n'osez plus aller. C'est pas une rupture, hein, vous n'avez rien connu encore avec cette personne, c'est quelqu'un que vous avez en vue. Et là, eh bien, il y a du coup au mois d'août des discussions possibles avec cette personne et peut-être que vous allez vous rapprocher au point de connaître, de mettre de semer et de construire peut-être les bases d'une nouvelle relation. En tout cas, je vous le souhaite, à vous de jouer. Bon mois d'août. Bonjour amis Sagittaire ou ascendant Sagittaire, bienvenue dans votre tirage de vos amours du mois d'août 2024 à partir du 5 août, puisqu'on est le 5 août, et jusque fin août. Donc voilà ce que ça, voilà les couleurs un petit peu de votre mois. Eh bien apparemment, il y a beaucoup de jalousie qui interviennent en ce moment. C'est plutôt actuellement. Il y a peut-être des dangers, un danger de trahison où vous avez peur. Vous avez la jalousie est là. Vous pouvez avoir peur d'une trahison de votre partenaire ou vous-même être tenté ailleurs. Regardez, cela entraîne en effet, il y a un blocage, il y a le procès de quoi ? De la fidélité. Ici, on a les ennemis avec donc tout ce qui est adversaire de cœur et la trahison qui peut donc qui dit bien ce que ça veut dire. Et en face, on a quoi ? On a le procès de la fidélité. Donc là, je peux pas lire autrement. Alors évidemment, vous êtes nombreux, nombreuses, les Sagittaires. Donc il peut s'agir juste d'une peur de votre part. Il peut s'agir de faits réels. Encore une fois, vous devez adapter ce tirage à votre situation. Mais par rapport à cela, je vous rassure, puisque qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il y a la chance, la providence, prenez ça comme vous voulez, une protection sur votre couple qui arrive et qui indique la renommée et la réussite, que normalement, vous allez retrouver... avoir une meilleure, vous allez retrouver une bonne réputation auprès de votre partenaire, si c'est votre partenaire qui vous soupçonnait, ou alors vous allez vous-même retrouver vraiment confiance en votre partenaire de cœur. Donc voilà, les peurs peuvent s'estomper, l'ennemi ou l'ennemi, le rival, la rivale peut s'éloigner s'il y a réellement quelqu'un. En tout cas, votre couple est apparemment plus fort. Voilà, si vous êtes célibataire, eh bien, c'est compliqué là. Au départ, il n'y a pas les bonnes personnes autour de vous. Et moi, j'ai l'impression que vous risquez de miser sur une personne qui ne vous convient pas et qui va très vite peut-être cumuler les aventures et vous tromper. Donc, dans ce cas-là, essayez d'être lucide. Surtout, le conseil ici pour vous, au mois d'août, c'est de rester bien lucide et d'aller vers... Il y a quelqu'un, peut-être pas au mois d'août, mais très rapidement derrière, quelqu'un qui, en qui vous pouvez avoir confiance, quelqu'un de transparent, de limpide et qui a les mêmes envies que vous. Donc, ne perdez pas de temps avec les bourreaux ou les bourreaux des cœurs. Voilà. Donc, je vous souhaite en tout cas un beau mois d'août. Bonjour Capricorne, amis Capricorne ou ascendant Capricorne, bienvenue dans votre tirage de vos amours du mois d'août 2024. Alors il est excellent, voilà ce que j'ai tiré pour vous. Et donc je m'adresse tout d'abord aux célibataires. Il y a ici une rencontre, alors une union bien concrète, hein. On est bien dans le concret avec cette carte-là. On n'est pas dans le rêve, on n'est pas dans l'espoir et l'attente. Il y a une union concrète qui vous est annoncée avec beaucoup d'amour, une évolution importante de votre vie amoureuse lors d'un voyage, d'un déplacement et le bonheur qui vous est annoncé. C'est peut-être aussi avec quelqu'un qui n'habite pas près de chez vous. Voilà, donc acceptez, vous savez parfois, on peut trouver des arrangements par la suite. Alors, si vous êtes en couple, eh bien, tout simplement, on voit que vous êtes dans une construction de projets autres que amoureux. Hein. Là, on est dans des projets plus matériels, des projets de maison, des projets d'achat commun, des projets, si vous avez déjà tout cela, d'autres projets qui sont dans une construction, dans une idée de construction. Commune, et cela nourrit votre relation qui évolue favorablement. Il y a même peut-être, du coup, bah, durant l'été, un voyage qui est propice à votre épanouissement et votre rapprochement amoureux. En tout cas, profitez-en. Bonjour amis Verseau ou ascendant Verseau, bienvenue dans votre tirage de ce mois d'août 2024. On commence le 5 août aujourd'hui jusque fin août. Alors quelle est la couleur de ce mois d'août de vos amours pour vous ? Donc le Béline ici, si vous êtes en couple, vous annonce donc un très beau mois d'août avec une famille aimante, des amis proches. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cohésion dans vos groupes amicaux et vos groupes, votre groupe familial, votre foyer. Et dans tout cela, eh bien, regardez, c'est un mois d'août assez passionnée, passionnelle, où votre union est solide et normalement tout cela vous donne de l'élan pour et favorise les projets, tout ce qui est projet de couple. Pour les célibataires, eh bien creusez, creusez, parce que entre la famille et les amis, vous n'êtes pas seul de toute façon, vous êtes plutôt à l'aise, au mois d'août. Mais il y a une vraie, une union qui peut arriver assez rapidement dans votre vie amoureuse, mais qui est liée au travail, alors à une activité. Alors ça peut être des stages, ça peut être un loisir, ça peut être un travail, votre travail habituel ou un travail estival. En tout cas, il y a une rencontre très, très constructive et épanouissante qui est possible pour vous à travers une activité. Donc, ne restez pas les bras croisés et bougez-vous. En tout cas, bon mois d'août. Bonjour amis poissons ou ascendant poissons, bienvenue dans votre tirage amour du mois d'août 2024. Donc, eh bien voilà, on est déjà le 5 août, donc ce sera entre le 5 et la fin août. Alors bon, bah, c'est un tirage très sympathique, voilà, donc pourtant je n'ai pas choisi les cartes, hein, je vous les présente telles qu'elles sont sorties. Donc si vous êtes en famille ou en couple, eh bien regardez, il y a un nouveau bonheur affectif, vous êtes, ça va, le mois d'août va vous apporter un nouvel élan amoureux, avec beaucoup de plaisir partagé, du désir entre vous. Vous êtes sans cesse à la découverte de l'autre, envie de vous rapprocher de l'autre. Vous êtes vraiment comme au premier jour, là. C'est des sentiments encore assez forts, assez puissants, quelle que soit la durée de votre couple. Et on dirait que vous allez peut-être accueillir des gens chez vous, accueillir des amis, accueillir des enfants, accueillir du monde. Et ça va très très bien se passer. Ça va apporter énormément de joie au cours du mois d'août sous votre toit. Voilà. Donc n'hésitez pas. Si vous êtes célibataire, eh bien il y a un nouveau bonheur affectif qui vous est proposé avec de l'amour. Donc peut-être. Alors là, je ne sais pas trop si c'est une aventure. Ou vraiment un nouveau départ affectif. En tout cas, il y a une nouvelle rencontre très sympathique, une idylle certaine pour le reste à voir, parce que ici, j'ai plutôt par la suite des discussions entre amis, des invitations, beaucoup d'échanges, et dans tout cela, pourquoi pas une idylle amoureuse. Là, j'ai pas forcément une construction immédiate en ce qui concerne les célibataires, mais en tout cas, amusez-vous. Et tout ça est bon enfant, tout ça, il y a énormément de bonne ambiance, de sourire. Donc profitez-en. En tout cas, je vous souhaite un bon mois d'août.